cherché à l'horizon, ou moi t'es pas en raison. Tu possédais la clé qui déjà avant nous frissons. Mais dis-moi, oh là, où yeah, où ça ce ou moins v'lé. C'est sans ça la vie qui bon moi l'envie sourire. Je prie bon Dieu pour ne pas tomber.